25 février 1838, auberge de Belz, 11h du soir. Je ne sais pas ce que je vais écrire. J'avoue que je suis très troublé. Ça n'est rien. J'aurai retrouvé mes esprits dans une heure quand j'aurai mis sur le papier tout ce qui bouillonne à présent dans ma tête. Reprenons du commencement, autrement je ne m'y reconnaîtrai pas. J'ai quitté Visborg ce matin à 7h30. Il faisait à peine jour. Les adieux d'Hélène ont été pénibles, et je crois que cela a déjà contribué à m'ébranler les nerfs. Je lui ai annoncé mon voyage hier. Je lui ai dit que je partais pour une affaire très importante, qu'il s'agissait de la vente de la maison d'en face. À peine ai-je prononcé ces paroles, qu'elle était saisie d'un tremblement qu'on a eu toutes les peines du monde à faire cesser. Je ne lui ai pourtant donné aucune indication sur la région où j'allais. Mais il m'a semblé qu'elle le devinait, car elle m'a dit entre autres phrases « Que de risques tu vas courir ?» Que de choses étranges tu vas voir. » J'ai eu beau lui dire qu'elle exagérait, elle n'a rien voulu entendre. Je n'ai pour ainsi dire pas dormi de la nuit. Elle poussait des soupirs à fendre l'âme, et quand elle s'endormait, c'était pour se réveiller 10 minutes après avec des cris. Elle était trempée de sueur, elle se précipitait dans mes bras, et me disait d'une voix suppliante « Ne t'en va pas, je t'en prie, ne t'en va pas !» J'avais consulté mon beau-frère la veille et il m'avait dit très justement de ne pas faire attention à ses enfantillages. Comme ma pauvre Hélène paraissait le matin être encore fiévreuse, j'ai fait appeler Bulwer d'urgence. Il était 6h. Le pauvre ami est arrivé en hâte et il a examiné mon épouse. Quand il a eu fini, je lui ai demandé « Puis-je partir ?»« Mais oui, je serai absent 8 jours. Tu peux rester plus longtemps. Elle n'aura pas de crise. » Je ne pense pas, au contraire. Je crois que ton départ, quand elle l'aura accepté, lui fera du bien. Elle sera tout à fait tranquille, mais ne la laisse pas sans nouvelles, bien sûr. Mon bagage était prêt. La voiture de Weber, le loueur, était dans la cour de la maison à 7h. J'ai embrassé Hélène, elle m'a paru un peu apaisée. Pourtant, au moment où je suis monté en voiture, elle ne voulait pas s'arracher de mes bras. J'ai dû presque faire violence pour m'en délivrer. Cet adieu m'avait profondément ému. Pourtant, je n'ai pas d'inquiétude à avoir. Sa sœur et son beau-frère veilleront sur elle aussi bien que je pourrais le faire moi-même, et mon cher Bulwer est toujours là, en cas de danger. Mais enfin, je crois bien que j'ai essuyé des larmes. J'avais de bons chevaux. J'ai quitté Visborg à toute allure. La matinée a passé vite. Mais au premier relais de l'après-midi, les ennuis ont commencé. 2 chevaux se sont déferrés. Au premier contrefort des Carpates, la route était rude, pleine de cailloux. Un cheval s'est mis à boiter. Plus loin, c'est une roue qui a failli être démolie. Bref, tous les ennuis possibles. La nuit tombe vite. À cette époque, je suis arrivé dans une auberge, dans ce petit village de Vels, qui paraît suspendu au-dessus de l'abîme, et j'avais l'intention de continuer ma route malgré les ténèbres. Mais quand j'ai dit cela au patron, il m'a répondu que son cocher ne voudrait pas traverser les forêts la nuit, et qu'il était préférable que je prenne du repos chez lui. Cet homme avait raison, car je suis très fatigué, et certainement je serais arrivé en trop mauvais état chez le comte Orlok si je m'étais obstiné. J'ai donc pris place dans la salle d'auberge à table devant quelques paysans, des bûcherons des forêts. Tous très braves gens qui m'ont regardé avec curiosité, qui sont restés silencieux, ont bu pendant 1 heure environ, et m'ont laissé seul ensuite avec le bergiste, sa femme et 2 vieilles servantes. Naturellement, à la fin du repas, excellent du reste que j'avais pris, on s'est mis à bavarder. « Connaissez-vous le château du comte Orlok ?» ai-je demandé au patron. Cet homme a paru effaré. C'est pourtant un grand gaillard, large d'épaules, solide comme un chêne, et à qui la mort elle-même peut se présenter avec sa fausse sans lui faire peur. Mais le nom du comte Orlok a je ne sais quel pouvoir magique, car ce géant m'a dit d'une voix sourde « C'est là que vous allez. » « Oui ? » « Ce n'est pas possible. » « C'est pourtant la vérité. » « Vous le connaissez ? » « Le comte ? » « Non. » « Et vous osez ? » « Oui, pourquoi ? » « Parce que personne ne va jamais voir le comte Orlok. » « Pour quelle raison ? » « Je ne sais pas. » « Il habite le pays des fantômes. » « Oui. » « Et vous savez, monsieur, ce qu'est le pays des fantômes ? » « Non. » Un pays comme un autre. » Mon homme me mit la main sur l'épaule familièrement. « Vous êtes jeune, monsieur. » « Ne parlez pas à mot couvert. Dites franchement ce que vous pensez. Je n'ai pas peur. Ça se voit. Mais enfin, qui est ce comte Orlok ? » « Je ne sais pas si c'est un homme, Alors, c'est ça qui est grave. Ce n'est pas un ogre. Non, certes, c'est pire que cela. Qu'est-ce qu'on vous a dit de lui? Rien. On ne prononce jamais son nom. La femme de l'aubergiste et les servantes étaient entrées à ce moment et prêtaient l'oreille à notre conversation. Chut, fit mon hôte, pas un mot de plus. Vous effrayeriez ces malheureuses. Toutes ces façons ne me plaisaient guère. Pourquoi tant de mystères pour me parler de mon futur client? Est-ce que vraiment ce pays des fantômes et ce château provoquent tant d'effroi, ou est-ce qu'on me joue la comédie pour m'empêcher d'aller plus loin? Je me le demande. Vous êtes marié? M'a demandé l'aubergiste. Oui. Vous avez votre femme? Oui. Eh bien alors, monsieur, n'insistez pas. Mais encore une fois, parlez nettement. Je ne saurais vous en dire davantage. Écoutez le conseil d'un homme qui a une longue expérience. Je connais bien ce pays. Reprenez demain matin la voiture et retournez à Wisborg. Alors je me mis en colère. J'ai dit à l'aubergiste qu'il se moquait de moi, que je n'étais pas un gamin et que je ne tolérerais pas plus longtemps ses observations. Il s'est tu, m'a laissé seul et à 10 heures m'a fait conduire à ma chambre par une servante. Cette dernière m'a accompagné en frissonnant. Elle tenait à la main une chandelle qui vacillait au fur et à mesure que nous gravissions les marches. Elle ne m'a même pas dit bonsoir. Me voilà donc dans la chambre. Une chambre banale comme j'en ai déjà tant vu. Et je suis sur le point de me mettre au lit. Je n'avais pas l'intention d'écrire une ligne de mon journal et je voulais m'endormir tout de suite, car il faut que je sois debout demain à 6 heures, quand le hasard voulut que je prenne un livre dissimulé derrière un petit rideau qui sert de fermeture à un placard fait de quelques planches. Je me mets au lit, j'ouvre le volume et qu'est-ce que je lis à la première page? Le livre des vampires. Décidément, ce livre me persécute et malgré moi, je retrouve la phrase. Le vampire se nourrit du sang des hommes et vit dans des cercueils remplis de la terre maudite des champs de la mort noire. Non, décidément, je n'irai pas plus loin. Je vais essayer de trouver le sommeil. Mais cela a été impossible. Je n'ai pas pu fermer l'œil. Dans l'obscurité, il me semblait que j'entendais glisser des pas. Moi qui n'ai jamais eu peur, qui ne crois à rien de ces récits de spectres, de fantômes ou de vampires, je me suis mis à claquer des dents. Alors je me suis levé, j'ai rallumé ma chandelle, j'ai tiré de mon bagage mon journal que j'avais emporté et j'écris ces lignes. Cela va mieux. J'avais besoin de me confier à ce cahier, mon seul ami du moment.